Bonjour, je m'appelle Camille Cazenin et je suis hypnothérapeute. J'aimerais à travers cette séance vous emmener avec moi dans notre enfance. Peut-être qu'en vous racontant mon enfance, cela va faire résonner en vous des choses de votre enfance. Pour cela, je vous propose de découvrir à travers ces images en noir et blanc de remonter, de retourner en arrière, comme si nous rembobinions le film de notre vie, et que nous retournions à ce moment où l'enfance était si simple, où il n'y avait pas la télévision et les jeux vidéo pour nous empêcher d'imaginer, de rêver, avec une simple poupée ou un petit soldat. Cette époque où nous passions des heures et des heures dehors, à construire des cabanes ou des radeaux, à se laisser porter par le soleil et à être heureux tout simplement. Peut-être que vous vous souvenez de l'histoire du petit poussé qui avait laissé partout dans la forêt des petits cailloux pour qu'il puisse retrouver son chemin. L'enfant en vous a aussi laissé des petits cailloux pour qu'un jour, peut-être aujourd'hui, vous puissiez retourner jusqu'à lui, pour que vous puissiez le retrouver, le serrer dans vos bras, et le remercier d'avoir été là, d'avoir fait ce qu'il a fait, d'avoir dit ce qu'il a dit, d'avoir agi comme il a agi, car il a fait du mieux qu'il a pu, avec les capacités et les ressources dont il disposait à l'époque. Je ne sais pas si l'enfant que vous aviez été rencontrer l'adulte que vous êtes devenu, s'il serait fier de ce que vous êtes devenu. Est-ce que vous avez réalisé tous ces rêves, ou est-ce que vous les avez enfouis au fond de vous-même, pensant qu'il était impossible de les réaliser? Est-ce que vous avez été à la hauteur de ces espérances? Est-ce que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, ou est-ce que vous avez souvent agi pour faire plaisir d'abord aux autres, avant de vous faire plaisir à vous-même? Je vous propose de suivre ces cailloux, de remonter en arrière, comme si vous étiez dans un train et qu'il faisait machine arrière, et que vous voyiez le paysage défiler en sens inverse. Vous remontez le temps, vous remontez le temps, peut-être quand vous aviez 4, 5 ans, ou bien un peu plus, ou un peu moins. Quelles sont les images qui vous ont le plus marqué? Était-ce à l'école, dans la cour de récré, ou bien pendant les vacances, ou dans votre famille, dans votre chambre? Est-ce que vous vous rappelez de la chambre que vous aviez, de la couleur de la tapisserie, des draps, de l'odeur de la lessive? Est-ce que vous vous rappelez de tout ça? Ou est-ce que vous l'avez enfoui profondément, avec les souvenirs oubliés? Ce qui est magique avec un souvenir, c'est qu'on pense parfois l'avoir oublié complètement, et en réalité, il peut ressurgir d'un coup. Je me rappelle une fois, j'étais allée dans une brocante, et tout à coup, j'avais vu un jouet que j'avais possédé quand j'étais toute petite. Je pensais l'avoir occulté, mais tout d'un coup, lorsque j'ai vu ce jouet, je me suis rappelé de plein de choses. C'est remonté instantanément à la surface, et ça m'a fait énormément plaisir. Mais du coup, ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit, ce souvenir que je croyais avoir oublié, en fait, il est là, gravé en moi à tout jamais, prêt à être réactivé à n'importe quel moment. Et c'est ce qui arrive parfois avec les phobies ou les allergies. Quelque chose remonte à la surface instantanément, parce qu'un événement du présent l'a réveillé. Peut-être que pour éviter tout cela, on pourrait faire remonter toutes les émotions du passé et les guérir à tout jamais. Que diriez-vous de guérir à tout jamais? Pour cela, l'enfant que vous avez été a fabriqué un petit coffret dans lequel il a glissé toutes les émotions du passé. Toutes les émotions qu'il n'a pas su gérer parce qu'il était trop petit pour le faire. Il y a sûrement de la colère, de l'injustice, de la culpabilité, de la rancœur. Il y a sûrement un sentiment de trahison, un sentiment d'abandon, de rejet. Il y a sûrement un sentiment d'impuissance. Et dans ce coffre, il y a tous vos souvenirs du passé qui n'ont pas pu être résolus à l'époque. Mais aujourd'hui que vous êtes devenu un adulte, vous avez la possibilité d'ouvrir ce coffre et de transformer toutes ces émotions négatives en force. Il vous suffit de les remercier, de leur dire qu'elles ont été utiles à l'époque pour pouvoir surmonter les événements, mais qu'aujourd'hui vous êtes grand et que vous pouvez les transformer, vous pouvez les aimer. Elles vont devenir de la lumière, une lumière qui va permettre d'éclairer vos pas et de ne plus jamais perdre l'enfant en vous que vous avez été. Inutile de mettre des cailloux pour le retrouver. Il fait partie de vous à tout jamais. Il vous accompagne, il suit vos pas. Vous allez donc pouvoir résoudre toutes ces émotions coincées. Vous allez pouvoir changer votre vie. Parce que savoir que l'enfant en vous est là désormais va changer votre façon de voir les choses, votre façon d'agir. Vous allez retrouver vos yeux d'enfant pour voir le monde, pour vous émerveiller devant chaque chose. Vous allez pouvoir guérir de vos blessures de l'enfance. Vous allez pouvoir rêver et réaliser vos rêves, parce qu'ensemble tout est possible. Votre inconscient va donc faire tous les changements nécessaires pour cela. Je ne sais pas si il est plus facile pour vous de retrouver le meilleur souvenir de votre enfance, ou s'il est plus facile pour vous de transformer tous les souvenirs en meilleurs souvenirs. Votre inconscient commence, dès à présent, à guérir l'enfant que vous avez été. Il commence à lui faire une place plus importante. Et peut-être que dans vos souvenirs, certaines personnes vous ont blessé. Je crois qu'il est temps de leur parler, de leur dire tout ce que vous ressentez. Tout ce que vous avez ressenti à l'époque, et tout ce qui vous permettrait de vous libérer à tout jamais. Peut-être pourriez-vous leur dire maintenant, ou leur écrire juste après, des lettres symboliques que vous ne leur donneriez jamais, juste des lettres qui vous permettraient de vous libérer, et de retrouver enfin tous ces rêves qu'ils vous ont arrachés, volontairement ou involontairement. Il suffit simplement qu'ils aient projeté leur peur sur vous pour vous avoir empêché de réaliser vos rêves. Mais il est le bon moment pour réaliser vos rêves. Vous pouvez dès à présent les mettre en place. Votre inconscient peut les programmer sur vos gros ordinateurs. Vous pouvez réaliser tous vos rêves maintenant. Petit à petit et progressivement, alors que vous allez revenir à la réalité, votre corps va se sentir mieux. Vous allez vous sentir entier, comme si l'enfant que vous avez été et l'adulte que vous êtes devenu faisait enfin la paix et apprenait à faire partie de la même équipe.